5, 4, 3, 2, 1, 0. Des fils de bleu piqués au ciel. Jaune, blanc, rouge. L'azur autour de l'objectif. Sous les étoiles et les récifs, des corps à corps définitifs. Collés aux transistors. Un bout de souffle, un souffle vif, l'azur autour de l'objectif. Objectif Mars, des étincelles, frottent leurs cils en négatif, milliards d'années, c'est transitif. Un bout de souffle, un souffle vif, l'azur autour de l'adjectif. Et des corps qui mettent au soleil, et des corps qui mettent au soleil. 300 000 décibels par seconde, et des kilomètres de lumière noire. Découpé aux quatre coins du monde. L'azur autour de l'adjectif, des fils de vie piqués au ciel, frotte la saison négative et des cœurs qui mettent solide. Giant leap for mankind.